kuse walingala kase nalinga babisi yotoli ndimaka ekoyela lobie koyebate toli eponi mwana te eponi mokolo te ndeko mwasi ayembi na shoki na yembi lingala e unité afrika e futuse Et pour tous ces, et l'indicolo batonie.